Alors attention, exclusivité mondiale. Oubliez Rihanna. Oubliez tout. Ok, laissez-vous, putain, laissez-vous là, il nous manque 3 bières, je pense, chacun, au moins, pour pouvoir la faire. Laissez-vous bercer, auditeuris. Oh, le carnet. Exclu mondial. Allez. Everything started with a phone call at home, but it Johnny was upstanding about it. I took my mom to a taste of Casals. This day one week's bastard was born. Drink beer with friends, the lovely and badly describe this shadow world and proper hatred. One week's bastard. Oh, le salaud. Wouh! Quel public! Eh putain, c'était trop bien! Eh mais voilà, c'est ça votre avenir!